Il y en a qui couchent dans une urine de la banlieue et qui viennent chaque jour, à heure fixe, réclamer la sportule à la porte d'une cuisine du Palais Royal. D'autres qui accourent par troupe de plus de 500 lieues pour partager le repas que leur a préparé la charité de certaines pucelles sexagénaires dont le cœur inoccupé s'est donné aux bêtes parce que les hommes imbéciles n'en veulent plus. D'autres qui, comme des nègres marrons, affolés d'amour, quittent à de certains jours leur département pour venir à la ville, gambader pendant une heure autour d'une belle chienne, un peu négligée dans sa toilette, mais fière et reconnaissante. Et ils sont tous très exacts, sans carnet, sans notes et sans portefeuille. Connaissez-vous la paresseuse Belgique? Et avez-vous admiré, comme moi, tous ces chiens vigoureux, attelés à la charrette du boucher, de la laitière et du boulanger, et qui témoignent, par leurs aboiements triomphants, du plaisir orgueilleux qu'ils éprouvent à rivaliser avec les chevaux. En voici deux qui appartiennent à un ordre encore plus civilisé. Permettez-moi de vous introduire dans la chambre du saltimbanque absent. Un lit en bois peint, sans rideaux, des couvertures traînantes et souillées de punaises, deux chaises de paille, un poêle de fonte, un ou deux instruments de musique détraqués. Oh, le triste mobilier! Mais regardez, je vous prie, ces deux personnages intelligents, habillés de vêtements à la fois éraillés et somptueux, coiffés comme des troubadours ou des militaires, qui surveillent, avec une attention de sorcier, l'œuvre sans nom, qui mitonne sur le poêle allumé, et au centre de laquelle une longue cuillère se dresse, plantée comme un de ces mâts aériens qui annoncent que la maçonnerie est achevée. N'est-il pas juste que de ces ailés comédiens ne se mettent pas en route sans avoir lesté leur estomac d'une soupe puissante et solide? Et ne pardonnerez-vous pas un peu de sensualité à ces pauvres diables qui ont affronté tout le jour l'indifférence du public et les injustices d'un directeur qui se fait la grosse part et mange à lui seul plus de soupe que quatre comédiens?